cool. Mais tu chantes tout ce que je veux, en fait. Tu pourrais pas me faire une chanson pour moi? Genre une chanson de cul?